ceux qui écoutaient des merdes et se branlent sur le hip-hop maintenant. Sur le hip-hop maintenant. Déjà mort nous a guidés, premier voyage vers l'enfer. Il me fallait recommencer, même si je fais pleurer ta mère. Déjà mort, déjà cané, tout le monde nous l'avait prédit. Ces forces auraient dû marcher, mais les potes n'ont pas suivi. Les radios ont boycotté, ça a détruit le produit. L'Inde de Guan, mon paradis, quand certains prennent pour l'enfer. En pirate, sort des maxis, espère que tu seras fier de moi. Sors ta thune ou arrache-toi. Les disquaires ne donnent pas cher de moi et de ta peau. Ils se foutent de ta gueule avec tous ces morceaux de merde. Trop lourd, trop pour la thune, ça rend sourd, mais toujours le même message. En soirée, karaoké ou dans tous les mariages. La musique perd ses modèles, ses apôtres et ses fidèles. Ça race, on fournit des pucelles, toujours sortis de leur classe. Académie Pop Boys, peine, j'ai choisi mes cibles. Et ouais, mes textes racontent la rue. Je me dois d'être crédible, dans mes comptes j'ai du vécu. Plus grand délire, c'est la Bible, je veux pas finir comme Jésus. Quoique, pour la célébrité, ressource numéro 1 des désespérés. On a espéré, on s'y accroche, on y a cru. Oh non, arrête, je veux pas finir cloué à une croix comme le gars de Nazareth. Plutôt cloué les gars comme toi qui diront ce son sa peine. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu le remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu le remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Te peau à enf, tympan percé. Te peau à danf, tout le monde déchiré. Le monde est stone et ça met de la gaieté. Mon son cartonne, ce qui en prenne son DPD. Régale-toi, ça passe comme un doigt. Style de ouf, il risque de déglinguer. On est catalogué comme musique niveau 0, ça ne marchera pas. À qui c'est adressé, ça tu me le demanderas pas. Ah ça c'est sûr, ce son c'est pour ceux qui squattent les halls et les bouches de métro. En attendant le polo, on finira la coca. En attendant le bolto, on finira la bolta. Et le skiwiz, balance-toi comme Travolta dans les années 60s. Où les pets qui bougent comme des folles dans les soirées négro. Moi file-moi un peu de molle et je crame le micro. C'est vrai que mon son racole comme une pute qui en fait trop. Non ne te trompe pas drôle, t'es fait pour la techno. T'as beau briquet sur le sol, c'est un carnage. T'as vu ton âge, break sur le sol et nettoie-moi le carrelage. Ton bon vieux survêt Adidas, ta paire de Nastas. Ah y'a bon ça, tu me rappelles ce vieux Sydney. Ah j'adore ça, c'est mon son qui fait bouger. Moi j'ai remis ça, espère faire l'anonymité. T'excitre toujours là pour dynamiter. Moi j'adore ça, et je suis pas prêt de m'arrêter. Moi j'adore ça, et je suis pas prêt de m'arrêter. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu me remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu me remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, dès que tu l'as tu peux te branler.